Bonsoir. Bonsoir Laurie, est-ce que tu m'entends? Bonsoir. Oui, je t'entends. Ça Tu m'entends bien va aussi? bien? Ouais, très Oui, bien, très c'est bien. parfait. Les petits écouteurs sont en Super. place. Oui, Alors, tu es prête je pour ce suis prête. 12e live? Oui, tout à fait. Parfait, Douzième, parfait. waouh. Eh oui, ça y est, ça commence. Hein. On a dépassé déjà Ça va. le cap des 10 lives, je suis ravie. Et puis ce soir, c'est un sujet qui, je pense, peut intéressé aussi, donc c'est top. Je vois qu'on a déjà trois personnes qui nous ont rejointes. Nous avons Andrea. Alors j'essaye, hop, de voir pour. On a Astrée, Mimix, Claire. Bonsoir à tous, merci d'avoir accepté ce rendez-vous de Beauté Imaginée. Donc, chers auditeurs, bonsoir, bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice. Je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté finalement. Vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi. C'est ça la force de l'audio. Et si un jour vous voulez être mon invité, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je reçois ce soir Laurie qui a accepté de témoigner sur un sujet pas toujours rigolo quand on y est sujet, c'est l'acné. Merci beaucoup, Bonsoir Laurie. à tous. Eh bien, avec plaisir. D'autant plus que ce soir, c'est première soirée déconfinement. Donc, Oui, merci c'est de. peut-être pas la Oui, date la c'est plus vrai, stratégique, on va voir. Mais de toute façon, les gens peuvent les intéresser, toujours voilà, pour réécouter. le... Exactement. Pour En même temps, réécouter si ça peut-être les que les intéresse. gens, racontez-nous, chers auditeurs, là je vois que vous êtes déjà 9, merci beaucoup d'être présents. Si vous avez profité ce soir du couvre-feu un peu tardif, peut-être que là, bah, vous revenez maintenant chez vous et nous écoutez sur stéréo. Qu'est-ce que vous avez fait ce soir? Dites-nous. Bah, je ne sais pas si toi, tu as fait quelque chose de spécial d'ailleurs, Laurie. Non, rien de particulier, mais je compte profiter dans les jours à venir de la réouverture de tout, de la reprise de la Ouais, vie. c'est clair, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis allée au zoo aujourd'hui. C'était sympa. Ah, Alors, pour revenir c'est à notre sujet, en France, 6 millions de personnes en souffrent de l'acné à plus ou moins forte intensité. Et du coup, tu vois que tu n'es pas un cas isolé du tout, on peut le dire. Et tu vas nous Non. raconter un petit peu ton expérience. Ce qu'on voulait préciser à nos auditeurs en parlant, c'est que chaque cas est différent, bien sûr, et que toi, Laurie, tu fais une forme assez forte d'acné qui, du coup, a nécessité un traitement médicamenteux. Mais là, ce qu'on veut dans ce live, c'est donner des conseils plus généraux, peut-être, pour lutter contre l'acné plus légère que beaucoup d'adultes, du coup, peuvent rencontrer. Et chers auditeurs, du coup, on attend vos témoignages. Hein. Dites-nous si vous en souffrez aussi, si vous faites partie de ces 6 millions ou si vous avez fait partie de ces 6 millions, peut-être à l'adolescence, ça peut aussi être le cas. Je te propose d'écouter notre première intervention de Léa Carbo. Salut Alors Léa! nous, avec Astrée, on allait boire un verre au marché Ah! Saint-Honoré. Voilà, c'était C'est très très sympa. sympa! Oui, on a kiffé. Ah! Super! Vous avez bien fait, en plus, il C'est faisait trop pas bien, trop moche ce on sent soir, la donc joie au top. dans la voix. Ouais, c'est clair, ouais, le soulagement un petit peu. Du coup, Laurie, on va commencer tout de suite par en savoir plus et parler de ce sujet, si ça te dit. C'est On parti. va parler de la façon dont tu gères ton acné. Déjà, toi, quand est-ce que tu as commencé à y être sujette? Alors, j'ai commencé en cinquième, donc à 12-13 ans à peu près. C'est arrivé progressivement, D'accord. mais du coup, ça fait un moment. D'accord. Ok, on a Astrée qui On est intervient. rentré exprès pour le stéréo. Ah, génial! Et peut-être pour le couvre-feu accessoirement, mais comme ça, ouais, je vois que vous êtes pile poil on time. Merci les filles. Du coup, ouais, 12-13 ans. Ouais, c'est souvent le début de l'adolescence, quoi. Exactement, Et ouais, le est-ce début de la puberté. que. Ah ouais. Est-ce que ça t'a atteint moralement, toi, tu dirais? Bah, au départ, enfin, quand on commence tous à rentrer dans l'adolescence, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont, enfin, dans mon entourage, qui avaient un peu d'acné, quelques boutons. D'accord. Donc, ça m'a pas plus atteint que ça. Par D'accord, oui. contre, c'est plus sur la durée que quand on grandit, Ah oui. bah forcément, les gens ont de moins en moins d'acné. Et moi, j'étais toute seule avec mon acné. Donc, c'était plus à ce moment-là. Que ça m'a Oui. atteint, mais après, voilà, après, chacun ses problèmes, hein, mais moi, le mien, c'est l'acné. Oui, bah c'est sûr, c'est sûr. Et est-ce que dans l'ensemble, tu vois qu'il y a un impact de ton hygiène de vie, peut-être, de ton stress sur l'acné au quotidien? Alors oui, relativement, notamment quand je suis assez stressée pour les périodes d'examen ou quand il y a des grosses périodes avec plein de choses à penser, et quand je suis en vacances, beaucoup, enfin, je sens que j'ai quand même un peu moins d'acné. Ah. L'alimentation aussi, quand je mange, D'accord. par exemple, des gros week-ends familiaux où Ah oui. on mange beaucoup, Ouais. ou beaucoup de soirées avec les amis, je sens aussi l'impact. Bon, je pense que c'est une D'accord. histoire d'équilibre et d'hygiène de vie aussi pour moi. Quand je Ouais. dors pas beaucoup, D'accord. ou quand je fais des tests un peu bizarres sur ma peau avec plein de molécules, Ah, ça de c'est nouveaux vraiment ma peau produits. aime pas trop. Ah, Les changements. ah c'est vrai. Ah, c'est Ouais, les les changements changements. de routine cosmétique qui ont un impact. Parfois, ouais, ça peut avoir un impact le temps que ma peau se réhabitue. Et aussi les D'accord. changements de saison, parce que le soleil, ça a un effet anti-inflammatoire. Et l'acné, c'est D'accord. anti-inflammatoire notamment. Et du coup, bah, le passage, le printemps-été, c'est une période très, très agréable. Pour moi, j'ai un peu moins d'acné. Parce que forcément, Ah le ouais, soleil d'accord. a un effet bénéfique. Mais du coup, est-ce qu'à la rentrée, enfin du coup à l'automne, tu vois d'autant plus de d'acné qui revient ou pas nécessairement? Si, complètement. Quand quand C'est je passe. pire, après. Voilà. Ouais. Quand, bah, c'est, en fait, c'est un peu. Je paye un peu le prix d'avoir profité d'un Ah été oui, sans d'accord. acné quand je reprends quand enfin quand le soleil commence à se calmer ouais, je le sens. Ouais. Ah ouais, d'accord. On a Mimix qui veut intervenir. Salut Mimix. Bonsoir Alice, bonsoir Laurie. Un Bonsoir. sujet sur lequel je n'ai pas l'habitude de m'exprimer, mais bon, je vais peut-être essayer de trouver quelque chose qui m'intéresse. Je vous écoute attentivement. Bah oui. À Paris, j'ai pu profiter de ma terrasse habituelle Ah. ce matin pour le petit déjeuner à Boulogne-Billancourt, comme d'habitude, et ça fait super plaisir. Voilà. Tu m'étonnes. Passez une bonne soirée, mesdames, et peut-être à tout à l'heure dans une intervention. Eh ben oui, avec plaisir, Mimix. Bah ouais, c'est sûr, ça a dû être sympa. Bon, il y a eu de la pluie aussi en région parisienne, je pense, donc tu y as peut-être échappé. Et du coup, Laurie, ça veut dire que par exemple, quand tu veux changer de produit cosmétique, quand tu en veux en acheter un nouveau, tu vas un peu hésiter parce que tu sais que le changement risque de te causer plus d'acné en général. Alors en fait ça dépend un peu des crèmes enfin c'est notamment les crèmes ou les produits pour nettoyer le visage par Ouais. exemple un produit qui si j'essaye un nouveau gel pour le visage par exemple sous la douche pour me laver le visage le soir s'il est plus agressif enfin plus décapant entre guillemets que mon ancien Ah produit oui. je vais avoir plus d'acné donc il faut trouver un juste milieu en parce que bah, l'acné, c'est quand même un excès de sébum. Donc, si on enlève tout, la peau, elle va surréagir. Et du coup, on rentre dans un cercle vicieux où Ouais. plus on en enlève, plus la peau en produit, etc. Donc, il faut trouver un juste milieu. Donc, ça, c'est vrai que quand j'ai trouvé mon produit, j'y touche Oui. plus pour notamment les produits. C'est surtout les produits lavants. Les Nettoyant, crèmes, d'accord, ouais. ouais, les produits nettoyants. Après, les crèmes, ça va dépendre. Certaines crèmes. Qui sont parfois un peu desséchantes ou un peu agressives, on peut avoir un petit effet rebond un peu. Et Ah, au début, on a d'accord, beaucoup, ouais. enfin, je vais avoir beaucoup plus d'acné, puis après, ça va se calmer. C'est vraiment, mais ça, c'est, enfin, d'une personne à l'autre, ça varie beaucoup, c'est hyper spécifique, et je pense que c'est pour ça Oui. que c'est important de bien se connaître, bien connaître son hygiène de vie, ses besoins, parce que du coup, ça varie un peu Oui, d'une personne à t'as l'autre. raison. Oui, faut faire un peu des tests, entre guillemets, et se Oui, rendre c'est compte ça, de faut tester un peu ce et qui quand nous on a testé convient. quelque chose, ouais. S'accrocher. C'est On ça. donnera des conseils, notamment dans le quiz vrai-faux en deuxième partie. Chers auditeurs, vous pourrez participer à ce moment-là, j'espère, et nous dire si les affirmations vous semblent vraies ou faux. Vraies ou fausses, pardon. Mais du coup, oui, toi, tu as déjà testé pas mal de choses. Est-ce que tu as consulté des médecins pour ton acné? Des dermatologues, oui. J'ai D'accord. testé, moi j'ai, bah, c'était la personne qui était la plus apte à me parler de problèmes de peau. Ouais, Donc ouais, j'ai vu plusieurs fois une dermatologue pour ouais. tester différents D'accord. traitements en fonction bah, de mon âge et de l'état de ma peau aussi. Donc, mais D'accord. c'est le seul professionnel de santé, avec mon médecin traitant, avec qui j'en avais parlé avant, mais c'est les seuls professionnels que j'ai pu consulter. Oui, d'accord. Pas d'endocrinologue, par exemple, pour voir s'il y avait un impact hormonal ou ce genre de choses. Non, ça a pu être vu avec mon médecin traitant, donc non, j'ai pas eu besoin. Ouais. D'accord. Et du coup, quelle méthode t'as essayé au final? Tout et rien. J'ai Ouais. testé au départ les crèmes, les crèmes qu'on peut trouver un peu en parapharmacie, dont je pense beaucoup de personnes qui ont eu un peu d'acné connaissent, avec les différents types de crèmes, les différentes marques de parapharmacie. J'ai essayé des compléments alimentaires. Ah oui, ah ouais, d'accord. C'est jeune, à base, si je dis pas de bêtises, c'est à base de zinc. C'était il y a longtemps, je me souviens plus bien, mais je crois que c'était à base de zinc. D'accord. OK. J'ai essayé du coup toute une routine avec aussi des gels nettoyants, des sérums, des crèmes, des gels aussi, enfin pour changer de texture. Après, j'ai eu des crèmes aussi antibiotiques et j'ai eu des antibiotiques par voie orale, mais ça c'était bien sûr sur prescription médicale. Oui. J'ai eu un j'ai testé des contraceptions hormonales, parce que du coup, avec les hormones peuvent Ah avoir oui. un Un impact sur impact. l'acné. Et j'ai fait une étude clinique avec des crèmes pour l'acné pour voir l'efficacité. Ah, Et d'accord. j'ai maintenant un traitement médicamenteux pour réduire l'acné. Donc c'est vrai que j'ai j'ai eu un panel très Oui, vaste de en effet. traitements. C'est J'ai un long combat, on peut dire. Et pas. aujourd'hui, tu as Ouais, c'est trouvé un ça du certain coup. équilibre? Oui, c'est mieux quand même, c'est mieux. Mais je D'accord. continue. Enfin, j'ai toujours un peu d'acné, mais c'est quand même beaucoup mieux que ça n'a été. Oui. Je pense Ah que ouais. aussi au départ, on tâtonne et puis on ne connaît pas bien. Enfin, moi, je ne connaissais pas bien au départ l'importance de bien se nettoyer la peau, puis mettre une crème et d'avoir Ah oui. une régularité dans la routine. Puis je pense que aussi, Ouais. enfin, adolescente, j'avais envie que ça parte vite, ces boutons. Et du coup, je n'avais Bah pas oui. forcément la patience d'attendre. Généralement, les dermatos, Ah ils demandent oui. 3 mois, je crois, pour laisser le Oui, quand temps à ce que tu la fais peau se une nouvelle renouvelle routine. et que la peau s'adapte. Ouais. Et c'est la Ouais, difficulté d'accord. des traitements locaux pour l'acné, notamment des crèmes, où on a envie d'avoir un effet immédiat, un peu comme quand on met une Bien crème sûr, hydratante ou qu'on se fait un ouais. masque, on a un effet qui est un peu Ouais. immédiat, alors que pour les traitements pour l'acné, c'est plus long. Donc il faut être un peu patient et au Ah départ, je ouais. n'avais pas trop compris. Ah Donc ouais, je vois. D'accord. Puis en voilà. plus, étant donné la largeur de l'offre, on est tenté peut-être par le marketing et les différentes En plus, publicités, donc ça aide pas. c'est ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de produits qui s'attribuent. Enfin, c'est un marché juteux, hein, le marché. Ouais. Et du coup, forcément, il y a pas mal de choses qui sortent. Donc, du coup, c'est vrai qu'on se dit, ah, mais ça a l'air révolutionnaire, je vais tester. Et puis, bon, pour finir, c'est aussi important, je pense, d'être. Enfin, moi, c'est ce qui m'a aidé, en tout cas, Ouais, d'être d'avoir un constante. traitement régulier et stable et Ouais. de se dire, bah voilà, je teste cette routine-là, je vais voir ce que ça donne, et d'être un Sur peu du patient moyen sur les terme. résultats. Ouais, j'avais aussi testé, j'ai oublié ça dans ce que j'avais testé. Il Ouais. y a pas mal d'études qui, enfin, pas d'études, mais de témoignages, parce que je crois pas que ça soit prouvé cliniquement, qui montrent que certains aliments ont un impact sur l'acné, notamment Ah le lait de oui. vache. C'est très, D'accord. très polémique en ce moment comme Inflammatoire. sujet. Ouais, et Oui. moi j'avais testé parce que je bois beaucoup de lait, et j'avais testé du coup D'accord. pour en me disant, ça se trouve, ça a un impact. Moi, ça n'a rien Des laits changé. végétaux. Donc, Ouais. ouais, mais ça a pas. Toi, ça n'a pas Ça n'a été pas eu plus efficace. d'impact que ça. Après, je l'ai peut-être Bon, testé ça trop sous-entend longtemps, que mais. tu n'y es pas intolérant. Donc, déjà, c'est une bonne Non, chose, on va ça dire. c'est sûr. Mais c'est vrai que Mais c'est oui. pareil, c'est quand même des choses qu'il faut introduire. Enfin, sur du long terme, il faut être accompagné, etc. Et Oui. je l'ai pas fait, mais voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai testé. Ouais, L'alimentation une peut des avoir un impact. pistes. Ouais, exactement. D'accord. Et est-ce que professionnellement, toi, tu dirais que ça a un impact? Enfin, est-ce que tu te sens parfois moins légitime? Tu as l'impression de faire plus jeune quand tu as de l'acné? Non, alors pas plus jeune, enfin en tout cas pas pour moi. Par contre, au lycée, collège, lycée notamment, j'ai pu avoir des retours comme quoi, enfin comme si c'était pas propre entre guillemets. Ah, d'accord. C'est ce que, Comme si c'était un enfin manque j'avais, d'hygiène, alors que pas du tout. voilà, Ouais. exactement. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus, surtout quand on connaît mal l'acné. Il y a beaucoup de gens qui me disent, enfin j'en ai quand même parlé avec pas mal de gens qui me disaient On a l'impression en fait que c'est un problème d'hygiène et que tu prends Ah, pas assez soin de ta d'accord. peau, que tu prends pas assez soin, enfin comme si Oui, que c'était c'est juste par on se flemme laissait ou vivre quoi. ouais, par Exactement. négligence. Ah ouais, Exactement. Et d'accord. donc du coup ça j'ai plutôt eu par contre ces retours-là. Après je me sens pas, enfin, ça, je dis Complexé pas que je suis plus spécialement. jeune. Bon, c'est pas D'accord. forcément très agréable. C'est quand même, enfin surtout quand ça fait plusieurs années, c'est pas, c'est quand même. Je pense que ça fait, c'est une forme de complexe quand même et que j'ai envie de m'en Oui, débarrasser. d'accord. Mais après, Oui. mais je me sens pas moins légitime. Ou... Par contre, Ouais, c'est vrai d'accord. que j'ai tendance plutôt, enfin, essayer de me laisser les cheveux détachés parce que je sais que ça masque ou d'avoir. Quand on fait des photos, je sais que j'ai un profil qui est Oui. moins acné que l'autre. Enfin voilà, mais ça c'est Oui, je comme tout le vois. monde quand on a des petits défauts de C'est peau, quoi. sûr. Ouais, oui, bien sûr. Donc voilà. Et est-ce que du coup, tu as dû utiliser des produits de maquillage particuliers ou ne pas en utiliser? Quel est ton rapport au maquillage? Alors, j'ai testé quelques crèmes spéciales, enfin qui alliaient à la fois un traitement local pour l'acné et qui avaient une couvrance pour masquer les boutons. J'en ai D'accord. été très peu satisfaite. Enfin, moi, ça m'a pas du tout convenu. Et en fait, Ah, j'avais ok. plutôt l'impression que ça me donnait plus d'acné. Et j'ai D'accord. jamais utilisé, enfin quasiment jamais, si deux fois peut-être dans ma vie. Pour un mariage, voilà, Ouais. où il fallait vraiment que je masque. Mais sinon, au quotidien, j'ai D'accord. toujours laissé ma... j'ai essayé de laisser ma peau respirer parce que c'était encore pire quand je mettais du fond de teint ou voilà, j'ai jamais D'accord. essayé de travailler ou des bébés crèmes, des trucs comme ça. Donc, j'ai jamais masqué, essayé de masquer à tout prix mes boutons par des crèmes teintées. Et niveau maquillage, du coup, je maquille jamais ma peau en elle-même. Ah oui, Je maquille d'accord. seulement les yeux. Parce que Ouais, voilà, d'accord. Oui, tu c'est plus préfères simple avec laisser moi. respirer. Ouais, Oui, d'accord. c'est les sèches. Oh, bah, c'est intéressant. Je pense que nos auditeurs se sont peut-être reconnus dans certaines pistes qu'ils ont pu expérimenter, enfin suivre eux aussi. Oui. Maintenant, on va passer à nos questions un peu type de beauté imaginée. Est-ce que tu aurais une erreur cosmétique à nous raconter pour nous faire rire, entre guillemets? Est-ce qu'un jour, tu as fait une bêtise avec des produits de beauté inadaptés? qu'est-ce que j'ai fait comme petit j'ai testé des crèmes que j'aurais pas dû tester, j'ai fait des réactions allergiques Oui. Ah, d'accord. assez marquées avec des belles plaques rouges et Ah là là. une impression de coup de soleil mais j'ai D'accord. pas de souvenir de grosses bêtises cosmétiques drôles. Non, non, je suis pas très drôle en cosmétique, D'accord. faut croire. Tant que t'es drôle dans la vie, ça va. Et ce serait Ouais, quoi ton produit de beauté incontournable ces temps-ci? ça. Ce sont aussi une bonne crème hydratante. Ouais, bah oui, du coup. C'est plus qu'un Oui. nettoyant, parce que tu as évoqué tout ce qui est nettoyant. Oui, c'est C'est vrai. vraiment la crème hydratante pour Ah. éviter les tiraillements, Ouais. etc. Ouais, je pense que c'est la crème hydratante qui est vraiment. À la limite, je me lave le visage avec de l'eau si j'ai pas de Indispensable. gel, mais la crème, je m'en Oui. sors pas. Eh bien, parfait. On va passer maintenant à la rubrique que j'aime bien, les auditeurs t'imaginent, Laurie. Chers auditeurs, c'est le Ah. principe dans Beauté imaginée. Vous imaginez de votre côté mon invité, puisque l'imaginaire, c'est aussi la force du podcast. Alors, selon vous, quel âge a Laurie? Est-ce qu'il y a eu des indices? Je n'en vois pas beaucoup. Tu penses avoir donné quelques indices, Laurie, là? Bah, peut-être en disant que j'avais de l'acné depuis quelques temps. Du coup, c'est sûr, Ouais. je suis plus au collège ni au lycée, parce que j'ai parlé du collège T'as et du raison. lycée. Ouais, Mais il y a ça qui sinon, a pu. pas plus que ça. On va voir ce que si ta voix a inspiré un âge à nos auditeurs. Toi, tu as dit en général, tu fais ni plus âgé ni plus jeune. Tu as l'impression que tu fais ton âge, c'est ça? Je fais plutôt souvent plus vieille. On me dit que je fais Ah, plus plus vieille mon vieille. âge. D'accord. Ouais. Ok. Et Alors, je les sais pas si c'est auditeurs, physiquement. lancez-vous. Quel âge a Laurie ce soir, mon invité dans Beauté imaginée? Bon, sinon, peut-être que l'autre question les inspirera plus. On va Inspirera attendre encore. davantage. Voilà, c'est ça. On va entendre encore quelques secondes. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que on voit que c'est une longue un long travail que d'essayer de lutter contre cette acné. Alors, nous avons Lady N qui se lance pour deviner ton âge. Merci, Lady Moi, N. je dirais qu'elle a, je dirais 22, 23 ans. 22-23 ans, c'est l'âge que tu penses que ma belle invitée Laurie a. Et Kaylia, merci Kaylia de participer. Salut Laurine, salut beauté, imagine. Salut. Ben moi, je pense que Laurine, elle a dans la trentaine. Voilà. La trentaine. Après, je me D'accord. trompe toujours, donc je sais qu'elle a pas 30, mais pour moi, elle a 30, donc voilà. Ok, bah, génial, tu as raison de participer. C'est rigolo pour Laurie de voir ce que sa voix peut laisser donner comme impression niveau âge. Alors, Laurie, dis-nous tout. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans, donc je Ah suis ouais. encore loin de la trentaine. Oui, c'est vrai. Mais la Et voix donc, tu grave, ça disais que donne tu cette fais plus impression. âgé, puis peut-être puis Oui. ton vocabulaire aussi. Ah, Ça, c'est peut-être ça, c'est je un pense tout. que. Et combien de temps pensez-vous que Laurie passe dans la salle de bain le matin, au vu de ce qu'elle nous a raconté sur voilà, tout ce qu'elle a testé par rapport à l'entretien de sa peau et pour lutter contre l'acné? Est-ce que vous avez une idée, chers auditeurs, du temps que Laurie passe dans la salle de bain le matin? Tout compris, hein, on va prendre la douche, le fait de... sauf si tu te laves le soir, mais bon, du coup, on va... prendre en compte la préparation pour aller à une journée normale. On attend Hors vos... confinement. Ouais, c'est ça. On attend du coup, vos hypothèses. Combien de temps pensez-vous qu'elle y passe? Bon, pour l'acné, en tout cas, enfin, pour l'âge, pardon, les filles ont plutôt ouais, été un peu au-dessus, mais c'était bon. Ouais, à 9 ans près, c'était Ouais, quand même... un grand on était quand écart. même dans la moyenne, ça allait. Ouais, c'est ça. Mais c'est Alors, même pas chers combien de temps auditeurs. je passe dans la salle de bain. Ah oui, faut que tu fasses ton petit Ouais, faut que calcul, je toi, là. réfléchisse à la Oui, réponse à donner, moi. c'est vrai. Sans répéter ce qu'un éventuel auditeur aura proposé. Bon, on vous laisse encore Non, une c'est ça. minute et puis Faut que je après, m'en sinon, souviens. on passera à la suite. On se demande ce soir combien de temps Laurie peut passer à se préparer dans la salle de bain en moyenne. Et on attend vos réactions, vos propositions, vos hypothèses. Ai-je d'autres synonymes? Bon, je crois on va peut-être passer à la suite. T'as fait ton calcul, toi, Laurie, de ton côté, du temps que tu passes dans la salle de bain? Oui. Eh bien, vas-y, Et c'est le moment de je nous. te donne la réponse. Voilà, parce que moi, je ne sais pas. je passe environ quand je me douche le matin, et souvent quand je me douche le matin, je fais un shampoing. Donc je dirais une 20-25 minutes. 20-25 minutes. Et on avait Astrid qui Ouais. avait proposé un Je temps. dirais qu'elle passe 20 minutes. Ah, pas mal. Ah, Bien joué, Astrid. Et bien ouais, joué. Bien joué, bien joué, Astrid. bien joué. Alors, est-ce que tu pourrais, pendant que je poste sur Instagram ta photo mystérieuse et la photo de ta salle de bain, de tes produits de beauté, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, Laurie, nous dire ce que tu fais dans la vie, tes hobbies, pourquoi pas? D'accord. Du coup, j'ai donc 21 ans, ça on le sait. Je suis en troisième année de médecine. Et du coup, je suis très intéressée par la santé, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je suis en Ouais, bah médecine. oui. Et j'aime beaucoup la cuisine, particulièrement Ouais. aussi les musées. Donc je suis très heureuse de la réouverture des Ah sites, des oui. lieux culturels. J'aime beaucoup. Je suis très engagée. Enfin, je suis très. Ça Ah me oui. porte beaucoup l'associatif, donc je suis très engagée Ah ouais. dans ma faculté. D'accord. Ok, bah super. Voilà. Présentation Ça te rapide prend de mes études. beaucoup. Bah ouais, c'est intéressant. Ça te prend beaucoup de temps par rapport à tes études, l'associatif. Bah, mes études, c'est quand même le principal, me prennent déjà beaucoup de temps. C'est des études qui sont assez prenantes. J'imagine. C'est Mais sûr. derrière, oui, l'associatif, ça reste un des deuxièmes Un gros pôles qui me morceau prend. aussi. Le plus de temps, voire parfois équivalent à mes études, c'est vraiment ce qui Ah ouais, m'importe. d'accord. Ouais. Bon, bah. Super, merci de cette présentation. Direction, chers auditeurs, mon Instagram, Beauté Imaginée, pour découvrir les photos que Laurie a bien voulu partager avec nous ce soir. Alors, c'est parti pour la rubrique Vrai-Faux. Donc, on va tester un peu tes connaissances et celles des auditeurs en matière d'acné, du coup. C'est parti pour 10 Super. questions et une bonus. Tu vises quel score, toi, Laurie? Je vais être ambitieuse, je dirais 9 sur 10. 9 sur 10. Alors, même sur 11. 9, Donc, 9, bonne 9 réponse. sur 11. Même sur... D'accord. Vas-y, c'est vrai. OK. On va voir ça. Chers auditeurs, essayez aussi de participer, hein. Lancez-vous, c'est plus rigolo avec vous. Alors, du coup, première affirmation, Laurie. L'acné est une maladie inflammatoire du follicule pilosébacé. Ce follicule pilosébacé correspond en fait au pore par lequel sort le poil. Il y a une glande sébacée qui sécrète du sébum dans ce follicule. Est-ce que c'est vrai selon toi? Oui, moi je dirais que c'est vrai. Pour toi, c'est vrai. Donc, je répète l'affirmation, chers auditeurs. C'est pour commencer un peu à redéfinir ce qu'est notre thème, l'acné en l'occurrence. Il s'agit d'une maladie inflammatoire du follicule pilosébacé. Qu'est-ce que c'est que ce follicule? C'est en fait, ça correspond au pore par lequel sort le poil et il y a une glande sébacée qui sécrète du sébum au sein de ce follicule. Est-ce que c'est vrai selon vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec Laurie pour cette affirmation sur la définition de l'acné dans notre quiz sur beauté imaginée? Alors, est-ce que quelqu'un va se lancer? On va attendre encore un petit peu. Bon, sachant que tu as déjà tout à l'heure donné pas mal d'éléments, on voit que tu t'y connais. J'ai étudié le sujet. Bah oui, c'est sûr. Et puis en médecine notamment. Est-ce que du coup, la spécialité, une spécialité de dermatologue pourrait t'intéresser d'ailleurs, Non, pour non, répondre à c'est... des sujets personnels ou non, c'est pas spécialement une voie qui Non, c'est pas t'attire? particulièrement... Non, ça m'attire pas plus que ça. Après, c'est un très beau métier, mais c'est pas ce qui me porte. C'est pas ce qui me porte Ouais. actuellement. Après, peut-être que je changerai D'accord. d'avis et que dans 10 ans, je soignerai l'acné de certains de nos auditeurs, qui sait? Eh ben oui, ouais, c'est Mais ça. Tu trouveras peut-être une méthode c'est pas mon projet. révolutionnaire. D'accord, Qui ok. sait? Alors, en tout cas, tu avais raison pour cette première affirmation. Bien joué. En fait, il y a trois mécanismes qui causent l'acné. Déjà, dans l'acné, bon, il y a tu l'as évoqué tout à l'heure, la glande sébacée qui a tendance à être bouchée par un sébum devenu un peu trop épais ou sécrété en trop grande quantité. En plus de ça, il y a des cellules à l'entrée du follicule pilosébacé qui se comportent de façon anormale. Et dans ce cas-là, il y a un déséquilibre de la flore cutanée. C'est-à-dire qu'il y a des cellules mortes qui bouchent un peu, qui obstruent le passage. Et elles sont mal évacuées du coup. Donc, c'est le deuxième mécanisme qui crée ce problème d'acné. Et le troisième, c'est le fait que sous ces cellules mortes, enfin, qui en plus bouchent le passage d'un sébum trop épais, il y a une bactérie qui adore se développer. Alors attention, non scientifique, c'est la Propionibacterium acnes. Donc cette bactérie-là favorise l'inflammation de la zone. C'est donc enfin, voilà, Effectivement, ça. le troisième impact. D'où, on l'a J'en dit, apprends, je l'importance sais. de... Oui, t'avais peut-être pas ce nom Non, j'avais pas le assez nom scientifique compliqué. de cette bactérie Ouais, barbare là. c'est ça. Ouais. Alors, nous passons à notre deuxième affirmation. Côté chiffres, Laurie, 80% des adolescents font de l'acné. On parle d'ailleurs d'acné juvénile. 80%, 8 adolescents sur 10 feraient de l'acné. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est une bonne question. À la fois, ça me semble beaucoup, parce que ça voudrait dire Ouais. qu'il n'y a que 2 adolescents sur 10 qui ne font pas d'acné. Mais en même temps, Mmh. quand on fait un bilan des photos de classe au collège, on est quand même nombreux à avoir Ah 4 garçons. oui. Surtout sur plusieurs années, quoi. C'est sûr. Je dirais que c'est vrai, parce que comme tu dis, sur plusieurs années cumulées, je pense qu'à un moment donné, il y a bien 8 adolescents sur 10 qui font un peu d'acné. Ouais, d'accord. On va voir ce que Astrée et Léa, merci les filles de participer, Moi, je pense que en c'est vrai, mais pensent. c'est à différents stades, on va dire. Ah Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a différents stades. Hein. Là, tu as évoqué, toi, une acné assez sévère, on peut dire. C'est comme ça que ta dermatologue l'a qualifiée. Ou c'est pas le terme. oui. Alors, c'est. Enfin, elle l'a jamais. Enfin, c'est une acné qui plutôt va. Tenace, je dirais. Parce qu'elle n'est pas. Tenace. Ah oui, d'accord. Elle n'est pas extrêmement sévère dans le sens où j'ai pas Oui. d'énormes cicatrices ou des très très Bien gros trous, sûr, mais par oui. contre elle est bien Sur le ancrée. long terme, quoi. Ouais, je vois. Ouais. D'accord. Mais c'est une acné Et c'est vrai forte, que. une acné forte. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, quand on citait le chiffre de 6 millions de Français touchés par l'acné, bah, là, c'est à même ceux qui en font un petit peu. Du coup, on parle déjà d'acné, Oui. alors qu'il y a plusieurs, y a plusieurs niveaux finalement. Et du coup, on va voir si Léa est d'accord avec Astrée et toi. Moi, pour cette question, j'aurais répondu vrai. Eh bien, bravo à toutes les Oui. trois. Bien. C'est bien ça. Donc en fait, 80% oui des adolescents font de l'acné. On a dit il y a en tout 6 millions de Français qui y sont sujets et c'est le premier motif du coup de consultation chez le dermatologue. Et sur les 6 millions de Français, 1 sur 4 sont des adultes. Donc ça fait quand même 1 million 5 pardon d'adultes concernés en France par l'acné. Donc c'est un vrai sujet hein. Et En d'ailleurs, vrai, c'est apparemment, haut, hein? 14, bah c'est ça. Apparemment, 14% des pilules prises le sont pour gérer l'acné. Donc, Ah ben voilà, ben c'est je pense aussi que. un chiffre conséquent. Et du coup, nous passons à notre troisième affirmation. La dyséborrhée correspond au fait que la peau acnéique soit trop sèche. Vrai ou faux, selon toi? Alors, ben, on va faire un petit peu d'étymologie. Dys, C'est c'est une ça. anomalie, un problème de fonctionnement. Séborrhée, c'est Ouais. plutôt en lien avec sébacée, donc le sébum. Pour moi, c'est pas une peau trop sèche, c'est une peau mixte plutôt. Je dirais que c'est faux. Tu penses que c'est faux? Petite analyse, Oui. oui, étymologique, comme tu Comme disais. je sais pas, je. t'as fait du latin, toi? Pour Oui, faire médecine j'ai eu ensuite? quelques années de latin au collège et en médecine, on a quelques cours d'étymologie aussi. Donc, du coup, Ah j'ai oui. quelques petites notions. Hein. Franchement, Notion. je lis pas le latin. Super. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'en pense Je pense que Astrée? c'est faux. Tu penses que c'est faux? Donc, vous êtes du même avis. Eh bien, bien joué. Bien joué à toutes les deux. Donc, c'est ta troisième bonne réponse, Laurie. En effet, bon, déjà, la peau acnéique a plutôt tendance à être grasse, au contraire. Hein. Et pour rappel, notre peau a en fait une protection à sa surface. Il y a un équilibre, en général, de 70% d'eau et de 30% de gras. Et une peau est dite grasse quand elle produit trop de gras, trop de sébum. Donc, pour revenir à notre affirmation dyséborrhée, le terme séborrhée, ça veut dire écoulement de sébum. Et la dyséborrhée, c'est le fait que le sébum soit en trop grande quantité, soit trop épais. Donc, c'est ce qui fait que le pore est encombré, que ça dérègle ensuite son évacuation, enfin, que l'évacuation normale est déréglée ensuite. Donc, D'accord, nous bah, passons super. à notre quatrième affirmation. Pour l'instant, c'est un sans faute, bien joué. On ne parle d'acné que pour les boutons présents sur le visage. Vrai ou faux? Non, c'est faux. C'est faux parce qu'il peut y avoir des formes d'acné où on a de l'acné sur les épaules, notamment le dos. Enfin, pour moi, sur les parties les plus grasses du corps. Enfin, grâce entre guillemets, hein, les parties Ouais. les plus productrices de sébum, donc notamment le dos, les épaules, le cou, et Ouais. le visage, et parfois un peu aussi sur le thorax, mais du coup, pour moi, c'est faux. D'accord, tu penses que c'est faux. Donc l'affirmation, je la rappelle, c'est on ne parle d'acné que pour les boutons présents sur le visage. Et en effet, bien joué Laurie, c'est faux. La maladie touche essentiellement le visage, mais elle peut aussi toucher le dos, l'arrière du cou, le décolleté. Donc elle ne concerne pas que le visage. Alors, c'est la bactérie Propionibacterium acnes qui provoque une inflammation de la peau. Vrai ou faux selon toi? Tu l'as dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'est bon nom de la bactérie. Je dirais que c'est vrai. Tu penses que c'est Je sais vrai? plus. Je sais plus le nom de la bactérie Bon. barbare de tout à Bon, l'heure. ouais. Qui Oh, non, référait à mais lui. bonne mémoire, c'est bien cette bactérie-là. En fait, lorsque cette bactérie prolifère dans le follicule pilosébacé, ça correspond à la phase inflammatoire de l'acné. Et dans le sébum, il y a en fait tout ce qu'il faut pour nourrir cette petite bactérie. Parce que dans le sébum, il y a des acides gras Merci. libres. D'où l'importance d'un bon nettoyage de la peau acnéique pour détruire cette bactérie, mais sans décaper notre peau. Tu as évoqué les produits un Ah peu oui. abrasifs, voilà, très efficaces à court terme en tout cas, mais qui peuvent en fait faire surréagir par la suite les glandes sébacées qui produisent le sébum. Donc la technique du double nettoyage peut être intéressante. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, Laurie. Non, ça me dit rien. Je suis Non, curieuse du coup de en fait, savoir. ça marche avec tous les types de peau. On utilise d'abord une huile démaquillante parce qu'elle va attraper les corps gras, type maquillage, pollution et bien sûr D'accord. sébum. On rince cette huile et ensuite on va nettoyer avec un savon doux qui va lui nettoyer le reste et détruire peut-être aussi cette bactérie-là. Donc c'est ça l'avantage, c'est qu'il y a à la fois un côté démaquillant, d'abord de l'huile démaquillante, mais quand on parle de démaquillage, c'est pas que pour enlever le maquillage, c'est aussi pour en retirer le sébum, voilà, qui est un corps gras. Et ensuite, on achève bien la bactérie avec le savon doux, mais voilà, toujours avec des produits plutôt doux, là, pour le coup. Donc, ça peut être une technique. D'accord. Si à un moment, tu Super. es Bah, prête ouais. à passer à une routine plus complète, ça peut être une piste pour toi. Une Et nouvelle pour piste de l'instant, test. c'est un. Mais oui, tout à fait. Pendant 3 mois, alors, tu as dit, bon, ça peut être long, mais ouais, là, tu as l'été qui arrive, donc tu disais que c'est plutôt une meilleure période par rapport à l'acné. Donc, à voir Ah si oui, tu peux te lancer dans c'est la cette. période bénie. Ah, bah oui, c'est ta période préférée. On a Mich Ben qui veut intervenir. Salut, Mich Ben! Zébardi pour un maximum de sensations avec Alice et Laurie, Bouti et Acné. Waouh! Eh oui. Alors dis-nous, Mich Ben, si toi tu y as déjà été sujet à l'acné, et puis n'hésite pas à participer au vrai faux, hein, on veut ton avis aussi sur les affirmations que je propose. Alors, sixième affirmation, la grosse complication de l'acné, c'est l'affinement de la peau à terme, à force de faire de l'acné. Vrai ou faux? Alors, je ne sais pas. L'affinement de la peau, Ouais. Est-ce que ça pourrait être ça? j'aurais tendance à dire non. Je dis faux, mais je sais pas. Enfin, d'intuition, mais je suis pas très certaine. J'ai pas trop de justification cette fois-ci. D'accord. Toi, on t'a déjà sensibilisé au fait que ta peau allait être de plus en plus fine avec l'acné? Non, j'en ai jamais entendu parler. C'est peut-être une piste. On La va peau. voir si Ouais. Astrée est d'accord Je avec pense que toi. c'est faux. Elle est d'accord avec toi. Et qu'en pense Léa? Alors, moi, comme Laurie, j'ai pas de justification, mais pour le coup, j'aurais dit vrai. Ah, Et on alors, Mich est. Ben? Est-ce que Mich Ben a une idée après nous avoir salué sur cette affirmation-là? Bon, en tout cas, bien joué, c'est faux. En fait, alors nous avons. Ah ben, Mich Ben, alors? Sincèrement, sujet fort intéressant. J'ai beaucoup été assujetti à des boutons d'acné. J'avais cependant un visage qui pourrait s'apparenter à un Ferrero Rocher, par exemple, à peu près. D'accord. Des Ouais, boutons en pas veux-tu, en facile. voilà, partout, partout, partout. Même quand il n'y en a pas, il y en a encore. J'ai eu une forte acné lors de mon adolescence. Et aujourd'hui, ça va mieux, D'accord. ça va bien. Ça m'a plus ou moins. Je ne crois pas que ça m'a laissé des séquelles. Parce Pas de que j'ai cicatrice. bronzé, j'ai pelé, j'ai. Non, je ne crois pas que j'ai subi des séquelles sur ma peau dues à l'acné. Voilà. D'accord. J'espère que ça Bon, vous ouais. a éclairé en tout cas. J'essaye de Tant vous mieux, tant écouter. mieux. Et Ah, tant mieux, bah, ouais, c'est en tout clair. cas, tu vois, tu n'es pas le seul, Mich Ben, puisque il y a 6 millions de Français, donc une personne sur 10 qui y est sujette. Donc, c'est juste énorme. Et la technique, bon, je sais que les hommes sont peut-être un peu moins friands de produits cosmétiques, mais la technique de bien nettoyer sa peau avec un produit doux, par exemple du savon doux adapté au visage, et non le savon qu'on utilise pour le corps, ça peut être une technique en tout cas. pour gérer l'acné. Et du coup, nous avons encore une bonne affirmation, hein, une bonne réponse de ta part, Laurie. Super. Sixième, donc tu as déjà plus de la moyenne. Alors, septième affirmation, vas-tu tenir ce rythme? On va s'intéresser maintenant aux causes de l'acné. Voici mon affirmation. La génétique joue un rôle dans l'acné. Vrai ou faux selon toi? Alors, je pense que c'est vrai pour une peu, enfin, il doit y avoir des formes d'acné génétique, enfin d'acné héréditaire. Mais je pense que c'est un facteur parmi tant d'autres qui doit jouer. Parce que alors moi, je suis le cas isolé de ma famille, globalement. Enfin, personne n'a une D'accord. acné aussi sévère, donc enfin aussi si tenace. Donc Tenace, comme tu je disais. dirais oui. Ouais. Je dirais oui. D'accord. Je me rends compte que je n'ai pas donné d'explication suite à la dernière affirmation. Tu avais dit que c'était faux, l'affirmation selon laquelle la grosse complication de l'acné, c'est l'affinement de la peau à force de faire de l'acné. C'est bien sûr faux. En fait, la peau acnéique, du coup, a tendance à être grasse, on l'a dit tout à l'heure. Et du coup, les peaux grasses ont plutôt tendance à être plus épaisses, au contraire. Et la complication principale redoutée par rapport à l'acné, c'est les cicatrices, en fait. Bon, donc, une cicatrice, initialement, elle peut être rouge. À ce stade, on peut encore les faire disparaître, mais il ne faut pas les triturer, en fait. Il faut bien hydrater. Et par contre, quand l'inflammation est vraiment importante, là, il peut y avoir malheureusement des cicatrices. Et donc, pour revenir à notre septième affirmation sur le fait que la génétique joue un rôle dans l'acné, tu estimes que c'est vrai et qu'il y a d'autres causes. C'est ça, hein, toi, là, Oui, ta je réponse. pense. Et qu'en pense Mich Ben? Ouais, l'excès de sébum. Moi, j'utilisais, ça m'arrivait d'utiliser des solutions qui permettaient plus ou moins d'assécher les Ah ouais. boutons et tout, mais je sais pas si c'est vraiment efficace. Je pense qu'il faut vraiment favoriser des produits naturels et bio, en fait, Oui. qui Et peuvent. doux. Et je pense que cette étape d'excès de sébum, elle n'y est pas pour rien. Donc. Je pense que voilà, il faut s'y faire, c'est l'adolescence et c'est la vie. Ah oui. Tu penses qu'il faut être un peu fataliste, te dire de toute façon on passe par là et puis ouais c'est sûr après a priori on peut un petit peu limiter en fait les dégâts entre Oui. guillemets avec une bonne routine cosmétique et on a une autre intervention. Merci de ta Vrai aussi, je participation en tout cas, réponds, Miss en Ben. fait, l'acné, je pense qu'elle est génétique, en fait, ouais. Elle Ouais. est en d'autres termes héréditaire. On la Ouais. reçoit en fait, elle fait partie de. De notre ADN et tout ça à la naissance. Bien joué, donc vous êtes d'accord tous les deux, Laurie et Mich Ben. En effet, on a un terrain génétique. Si nos parents en ont fait, on a plus de chances ou de risques d'en faire. Et d'ailleurs, si les deux parents sont atteints, l'acné de leur enfant sera statistiquement plus sévère. Malheureusement, c'est D'accord. une des tendances. On a Lady Anne qui participe. Alors, l'acné peut être héréditaire, mais pas toujours. Parce que moi, par Ouais. exemple, j'ai de l'acné d'adulte. Ma sœur, Ouais. mon frère et ma mère n'ont aucun bouton, mon père non Ah. plus. Donc, Ouais. voilà. Oui, bah oui, tout à fait. C'est une des causes et c'est Oui. pas systématique, mais apparemment, statistiquement, quand un parent ou deux font de l'acné, les enfants en font aussi. Bah toi, Lady Anne, est-ce que tu qu'est-ce que tu utilises comme produit du coup pour y faire face? Est-ce que tu nettoies bien ta peau avec des produits doux ou est-ce que tu as tendance à utiliser des produits peut-être un peu plus agressifs pour un peu tout éliminer et au risque d'avoir un peu plus d'acné ensuite par réaction. Dis-nous, ça nous intéresse de savoir. On Pour continue rebondir du sur coup, ouais? non, juste pour rebondir, ça me fait penser sur Bien ce que disait sûr. Mich Ben tout à l'heure par rapport au à ce qu'il essayait d'utiliser des produits un peu desséchants, etc. J'ai une amie Oui. qui utilisait des qui doit d'ailleurs nous écouter ce soir, qui utilisait D'accord. une huile essentielle de tea tree qu'elle appliquait au coton-tige en fait Ah, sur ses boutons, qui est une huile assez asséchante. Donc ça rebondit sur ce qu'elle disait d'accord. d'utiliser des produits bio et naturels, mais je suis assez partisane d'utiliser, de mixer et de pas utiliser seulement une technique parce que bah, chaque technique a ses bienfaits, quoi. Oui, d'accord. Et c'est vrai, oui, du coup, là, ça va dans le sens de tout ce qui est naturel. Là, l'avantage, c'est que c'est peut-être assez fort comme produit, mais c'est localisé. Donc, c'est mieux C'est que très local, d'utiliser ouais. Et un pour les... produit globalement Bah, si on sur a un tout le bouton, un ou deux visage. boutons de temps en temps, c'est Voilà. intéressant. C'est un peu comme les Ouais. SOS pâtes qu'on peut trouver en Ah parapharmacie. oui. Ce sont des petits sticks qu'on Ouais. applique. Peut-être que tu avais vu ça avec des amis au collège ou au lycée qui avaient des petits sticks Ouais. à appliquer sur un bouton. Donc ça rejoint, c'est la même chose avec les Oui, tissus. Mais d'accord. c'est assez fort, hein. Faut faire attention, bien sûr, à l'utilisation. Mais voilà, ça peut, Oui. pour un bouton temporaire, ça peut être intéressant. Ah oui. En fait, pour un bouton déjà existant, pour l'aider à Oui, disparaître, quoi. Très bonne c'est ça, c'est pas du astuce. tout pour prévenir. Merci, Laurie. Oui, je Ah vois. ben, On est avec d'accord. plaisir. Alors, on a Lydiane qui va peut-être nous raconter un petit peu comment elle gère ces boutons-là. Moi, je suis allée voir un médecin esthétique qui m'a conseillé des crèmes D'accord. à base d'acide glycolique, de la vitamine C et voilà, à base de l'aloe vera, etc. Donc, ça marche vraiment très très bien. Et grâce à ces crèmes, en fait, Ah. j'ai plus de taches, plus aucune tache. Ma peau est toute lisse. Donc, voilà, Ah. j'en suis vraiment satisfaite. Donc, j'utilise pas mal de produits, pardon, à base d'acide glycolique, en fait. Acide glycolique pour toi, c'est ça qui a été efficace. Bon à Et savoir. aussi, j'ai fait des séances de peeling qui m'ont beaucoup aidée. Donc, grâce à Ah. ça, j'ai la peau nettement moins grasse et une jolie peau. Donc, j'ai plus besoin de sortir avec du maquillage. Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais ça, c'est super une fois qu'on trouve les bonnes techniques. Donc, le peeling a sans doute aidé aussi, voilà, à supprimer les cicatrices, j'imagine. Oui, Ah ouais, tout à fait. merci de ton témoignage, Lady N. Ah bah ouais, selon... Enfin, de toute façon, comme tu disais, Laurie, chacun doit trouver un peu, faire ses tests et trouver sa Oui, c'est ça. solution, la solution qui lui correspondra. Et finalement, dans ce Mijben? qu'on a Ouais, Ladine, entendu, je te excuse-moi. rejoins totalement sur l'aloe vera et j'irai même plus, hein. Renseignez-vous, regardez, ça coûte un peu cher, mais c'est ce qu'on appelle la bave d'escargot, en fait. C'est vraiment de la bave d'escargot. Ça, c'est vraiment très puissant. Ça, c'est le remède miracle qui vous rend la D'accord. peau. Waouh! On a déjà tout dans la nature, en fait. Parfois, pourquoi chercher midi à 14h30 en vrai? Voilà. Donc, en tout cas, bon live à vous. C'est très intéressant, en tout cas, votre sujet. Et du coup, voilà, je vous écoute. Merci beaucoup, Mijben. Et... Merci de participer. Ça fait plaisir. La bave d'escargot, c'est vrai que ça, en marketing, ça, c'est pas hyper attrayant. Ça... Mais oui, Ouais. y a des gammes qui le proposent. J'ai jamais essayé. T'as essayé, toi, Laurie, déjà? Oui, j'ai pu tester dans mon panel. Je ne sais Ouais, pas ce que je n'ai pas testé d'accord. encore. J'avais pu tester une crème à base de bave d'escargot, justement, Ouais. parce que enfin, c'était une conseillère qui m'avait dit que c'était très efficace. J'ai pas vu de grosses améliorations, mais j'ai pas vu de pire non plus. Donc, j'estime que ça avait D'accord. stabilisé. Mais voilà, je pense que ça peut être D'accord. intéressant. Comme disait Miss Ben, il y a des choses intéressantes dans la nature, mais allier la Ouais. nature, le chimique et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, ça peut être Oui. intéressant. Donc oui, Oui, c'est c'est vrai. pourquoi pas. C'est vrai que les produits synthétiques ont aussi des avantages puisqu'ils permettent Oui, l'avantage notamment aussi. une meilleure stabilité. On sait exactement ce qu'il y a dans le produit. Alors que si ça vous intéresse, d'ailleurs, j'avais fait un live à ce sujet sur tout ce qui était produits cosmétiques biologiques. Et l'avantage du coup, voilà, du synthétique, c'est que par rapport à tout ce qui est ingrédients naturels ou ingrédients biologiques, dont on est un peu dépendant des saisons et des récoltes, le synthétique peut quand même être avoir des une enfin on va être un peu plus sûr du résultat. Et il y a Oui. aussi moins d'allergies. C'est aussi un des atouts. C'est qu'on est souvent allergique à des ingrédients naturels. Donc ça, c'est un Oui, paradoxe. c'est On peut sûr. faire des allergies. Donc Oui, c'est vrai, c'est et ça semble pas logique ouais. pourtant. Bah oui, on a tendance à se dire tout ce qui est naturel n'est que positif, mais il y a quelques atouts aussi avec le synthétique, il faut juste le savoir. Mais bien sûr, aujourd'hui, on est dans une tendance globale qui va vers des compositions plus naturelles, plus clean aussi vis-à-vis de Oui. l'environnement. Donc C'est clair. c'est une tendance globale. Et tout à l'heure, je suis désolée, j'ai joué le commentaire et je t'ai coupé. Je ne sais pas si après tu as pu revenir finir ce que tu Ah étais en non, train t'inquiète de pas. dire, C'est Laurie. C'est bon, tu avais que Ça ne devrait pas être important. Mais si, mais si, mais si. Alors, on a plusieurs interventions. On a Cassim. Salut, Cassim. Bonsoir à tous. Franchement, vous vous prenez la Bonsoir. tête pour rien. C'est Oh. génétique. Il faut l'accepter. Il y en a qui ont un très beau pot, un très beau teint. Et il y en a d'autres qui mettent des produits par-ci, par-là. Mais ça change quasiment rien. Donc, je peux vous assurer que, bon, il faut bien évidemment s'alimenter correctement. Mais mis à part ça ne sert à rien, vos produits. Donc, acceptez, tout simplement. Bah écoute, tant mieux si tu suis cette philosophie plus nature et peut-être moins prise de tête. Mais c'est vrai que on voit quand même qu'il y a parfois des produits qui peuvent aider. Et du coup, le fait de bien nettoyer sa peau, notamment, ça peut être une façon de ne pas aggraver un problème, en tout cas. Ça, c'est sûr qu'on ne fait peut-être pas de miracle avec les produits cosmétiques, mais on peut quand même. Soit limiter la casse, soit améliorer une peau déjà belle, pourquoi pas. On a Léa Carbo qui intervient Je sais pas aussi. si tu t'en souviens, Alice, mais pendant notre premier live, vous avez parlé de l'huile de titri. Oui, Bah oui, vraiment à oui. essayer. Je sais pas si Laurie a déjà essayé, mais ça marche Oui, bah trop, trop bien. justement, c'est vrai, Ça va aller c'est vrai gratter que ses ça flacons. avait fait écho exactement. Laurie vient de nous citer ce produit-là qui était vraiment efficace pour une amie à elle. Donc, ça, vous êtes déjà deux à témoigner positivement par rapport à ce produit-là. Donc, ouais, bon à savoir. Merci Léa. Et on a Lady N. Ben merci Mich Ben pour le conseil concernant la bave d'escargot. Ben j'essaierai à l'occasion. Ah ouais. Ah bah, Mich Ben, tu vois, C'est tes super quand conseils ça sont sonne des déjà conseils comme ça. écoutés. Bah ouais, c'est vrai, parce que souvent, enfin, il y a tellement de choses qui existent qu'on a besoin au moins de savoir que quelqu'un qui n'est pas sponsorisé par la marque en question a Oui. apprécié et a trouvé ça efficace, quoi. Sans Mich plus Ben? attendre, un tonnerre d'applaudissements pour les escargots. On fait de la publicité pour les escargots. Eh Merci oui. à Alice et Laurie. Les escargots sont là, sont nos amis. C'est parti, c'est parti, un maximum de sensations. Les fêtes foraines te manquent, Mich Ben, c'est ça? C'est ça que tu Oui, veux c'est nous dire ça. ce soir parce qu'elles n'ont pas eu le droit de réouvrir, elles, par contre. Astrée? Laurie, est-ce que tu peux te rapprocher du micro parce qu'on t'entend assez mal? Ah Mince. mince. Bon, j'espère qu'on a quand même J'espère que. entendu les différents conseils. Et Lady N? Effectivement, l'huile essentielle de titri, c'est vraiment très bien, ça assèche les boutons Ah. assez rapidement. Troisième témoignage en ce sens. Bah écoutez les filles, je vais en acheter parce que je l'avais Oui. noté quand Léa m'en avait parlé, mais comme là j'avais pas eu spécialement de besoin, je l'avais pas encore acheté. Mais là je me dis, ah ça y est, là vous m'avez convaincue. C'est l'effet de groupe qui fait ça. Top. Alors, on passe du coup, on était à notre septième affirmation. Du coup, on a dit que oui, la génétique joue un rôle dans l'acné. Voilà, c'était donc vrai. Donc, pour l'instant, tu as eu sept bonnes réponses, Laurie. Bien joué. Huitième affirmation, chers auditeurs, la génétique est à ce jour la seule cause identifiée de l'acné. Vrai ou faux, Laurie? Tu Non. as déjà Du donné ta tac-tac. position là-dessus, du tac au tac. Pour toi, c'est faux. Tu penses qu'il y a Oui. d'autres causes? Eh bien, on va voir si quelqu'un veut se positionner par rapport à ça. Nous avons Astrée, Claire, Lédienne, Charo, Eito, Léa Carbo, Cassim, Calvière, Mich Ben, Ludovic. Est-ce que quelqu'un veut se positionner sur cette affirmation? Est-ce que selon vous, la génétique est à ce jour la seule cause identifiée de l'acné? Mich Faux, faux, faux, totalement faux. Il n'y a pas que la Ben? génétique, il y a l'alimentation, comme le Ah soulignait ouais. notre cher Cassim, qui Oui, n'était tout pas à très fait. d'accord avec nous. Mais on le salue. Et Et du oui, coup, tout moi, à je fait, pense que chacun son l'alimentation, opinion. quand elle est grasse et tout, l'excès de sébum, je pense que ça doit être lié. Je sais pas, hein, je suis pas un scientifique, mais bon, Oui. voilà. T'as D'après mes remarqué, calculs toi, un ridicules. lien alors? Et Laurie, toi, t'as vu aussi un lien de ton côté, quand tu disais, hein, après un gros week-end niveau nourriture, tu voyais un lien aussi. Donc, c'est sûr que ça t'oriente aussi à dire que c'est faux, qu'il n'y a pas que la génétique qui est une cause identifiée de l'acné. Tu Astrée, peux répéter la question, s'il te plaît? la génétique est à ce jour la seule cause identifiée de l'acné. Donc, pour Laurie, c'est faux, elle est catégorique, il y a d'autres... cause. Du coup, Mich Ben est d'accord. Il cite l'alimentation. Cassim avait aussi cité l'alimentation tout à l'heure. Et Abba Si Cassim. notre ami avait écouté mon message jusqu'au bout, il aurait entendu que j'ai mentionné la cause de l'alimentation également. Donc Ah bah merci oui, d'écouter le mais... message jusqu'au bout, bah si, avec ta barre d'escargot. il t'a cité justement, il a cité, il a dit que tu avais cité l'alimentation tout à fait comme cause de l'acné Ah, astré. je dirais que c'est faux. Il y a aussi sûrement l'alimentation, etc. Ah Et bah peut-être d'autres voilà. choses, peut-être la pollution. Ah, la pollution. Eh bien, bravo à tous. C'est faux, en effet. Un autre problème, donc, une autre cause, pardon, identifiée de l'acné, c'est par exemple les problèmes hormonaux aussi. Là, vous ne l'avez pas cité, je crois. Donc, les problèmes hormonaux, ça peut être dans le cadre de la prise de médicaments ou pendant une grossesse. Tout ce qui est hormones va être un peu chamboulé. Ça peut être aussi pour certains syndromes, comme les syndromes des ovaires polykystiques ou l'endométriose. Là, on parle d'un acné hormonal. Il y a une autre cause aussi, c'est le stress. En fait, il y a un grand nombre de cellules nerveuses près de la glande sébacée. Donc, en cas de stress, les glandes sébacées qui produisent le sébum sont impactées du coup. Et aussi, quelque chose que je n'avais pas entendu moi avant de faire mes recherches, c'est le fait qu'un pH trop bas, alcalin ça s'appelle, dans le corps et dans l'estomac, va entraîner des inflammations. Et ça participerait à l'acné. Donc, c'est... Par enfin, ça rejoint hein, ce que vous disiez sur l'alimentation. Et donc, c'est tout ce qui est à pH trop bas, notamment produits laitiers, protéines, féculents. Ça peut favoriser l'acné du coup. Alors que enfin, juste pour info, si vous mangez beaucoup de produits alcalins, genre produits laitiers, protéines, féculents, c'est intéressant peut-être de rééquilibrer en prenant ensuite des produits à pH acide, tout ce qui est fruits, légumes, épices. Je ne sais pas si tu avais ça en tête, toi, Laurie. Non, je ne savais pas la cause, par exemple, des produits laitiers ou de certaines protéines. Je pense que, comme Oui. tu dis, ça doit être une histoire d'équilibre alimentaire. Si c'est Mmh. rééquilibré, Ouais, ça ouais. doit aller. Ça Oui, doit tout être pour à ça fait, que, pour c'est moi, ça. ça, je peux continuer à T'avais bordeler. pas remarqué. Ouais. Alors, Miss Ben. Merci Alice, il faut pas voilà que ça prenne des tournures ou quoi aux caisses. Je vais arrêter de m'exprimer dans le live ou de vouloir interagir avec les autres auditeurs. Kassim, je suis sincèrement désolé si ça t'a touché, mais j'allais au contraire dans ton sens en fait. Oui, C'est tout que à tu l'avais fait. précisé et au contraire je le mettais en avant. Mais c'est pas grave, après c'est stéréo, c'est la folie de stéréo. En tout Mais cas, continuez comme ça, je reste à l'écoute. avec plaisir, Michben continue à participer. Tu as raison, c'est sympa, moi, je trouve, de répondre les uns aux autres. On a Lady Anne qui veut intervenir. Effectivement, ça peut être dû à un dérèglement hormonal. Donc, comme tu as dit, syndrome des ovaires polykystiques. Donc, j'en suis moi-même atteinte. Ah, Aussi, un d'accord. taux de cortisol trop élevé peut conduire aussi Ah. à une augmentation de l'acné, entre autres. Après, il y a d'autres causes, mais c'est D'accord. celles qui me viennent en tête. Ah ouais, d'accord, dont tu as le plus entendu parler. Merci de ton témoignage, Par Lady contre, ce qui Anne. Et m'intéresserait, Cassim? c'est les taches qui apparaissent après les boutons, notamment pour les hommes, là, au niveau des joues, la partie droite et gauche. J'aimerais savoir si vous connaissez une crème qui est efficace et qui enlève justement les taches qui apparaissent après les boutons, ou si c'est trop tard. Voilà. Ah bah alors, tout à l'heure, on a un peu cité, oui, les cicatrices, ce problème-là. C'est vrai qu'une fois que tes taches sont devenues plus blanches, en général, c'est qu'elles sont à leur stade un peu irréversible. Maintenant, on va en parler un peu après, mais en crème, je ne sais pas si ça va suffire, une crème cosmétique, mais après, il peut y avoir parfois des interventions d'un médecin, même type laser, ce genre de choses. Je ne sais pas si toi, Laurie, tu as déjà entendu ces possibilités-là, quand on a des En termes de cicatrices un crème, peu blanches. Ah oui, oui. après, c'est ce qui est hyper important déjà. Enfin, moi, ce qu'on m'avait beaucoup dit, c'était de se protéger bien du soleil parce que le soleil va Ah brunir oui. les cicatrices et empêcher le bon renouvellement de cette partie-là de la peau. Donc, bien, enfin, avoir des bons filtres UV quand on s'expose au soleil et même dans la vie de tous les jours. Et après, il y a quand même quelques crèmes qui existent sur le marché contre les taches, les Ah ouais. cicatrices. Je sais qu'il y a des huiles, Même quand elles notamment sont bio. ouais. Mais Même bon, quand elles c'est un sont peu blanches déjà, empirique. d'accord? Ah Bah, ouais, je sais, d'accord. enfin, je suis pas certaine, mais certaines, notamment Caudalie qui travaille beaucoup sur les taches, les cicatrices, Ah, Be Oil aussi. Après, Ah je oui. pense que c'est vraiment du cas par cas et comme tu dis, en fonction de l'ancienneté de la cicatrice, de où elle est placée aussi Ouais, sur sa la peau, parce que profondeur, sur le visage, il y a ouais. des zones qui se renouvellent plus ou moins bien, notamment les cicatrices dans le cou partent en beaucoup plus de temps. Il faut parfois être un peu patient, ça peut prendre quelques temps aussi naturellement. C'était ma Oui, je vie de ma vois. dermatologue. Ah bah merci pour ces infos. Bah, Kassim, tu nous diras si un jour tu testes ces produits-là. Oui, Biol, ça c'est vrai que j'avais déjà entendu parler. C'est assez réputé. Ok, super. Alors du coup, nous en sommes à notre neuvième affirmation. Donc, c'est encore un sans faute là. Bravo parce qu'en plus, il y a beaucoup de questions. Donc, là, tu gères bien. Donc, neuvième affirmation, les boutons d'acné peuvent aussi être accentués par de mauvais produits cosmétiques. Alors là, si vous avez suivi depuis tout à l'heure, on a fait pas mal d'allusions à ce sujet. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou que c'est faux, Laurie? Je dirais que c'est vrai. Ouais. Est-ce que nos auditeurs sont d'accord avec toi? Astrée. Allez, je dirais que c'est vrai de forcément y avoir une incidence. De mauvais produits cosmétiques pourraient-ils accentuer les boutons d'acné? Lady N? Hop, j'ai mal cliqué. C'est vrai. C'est vrai pour toi. Donc là, pour l'instant, vous êtes toutes d'accord. Bien joué, les filles. Voilà, en fait, parfois, c'est l'utilisation de produits décapants, asséchants, qui va faire finalement réagir les glandes sébacées. Tu as parlé de ce problème-là, toi, Laurie. Hein. Tu avais remarqué Oui, ça. tout à fait, je l'ai expérimenté même. Ouais. En fait, donc, je pense quand je dis produits décapants asséchants, il y a par exemple tout ce qui est gommage à grains. C'est tentant parce que ça va lisser la peau immédiatement, mais ça peut faire réagir les glandes sébacées qui se sentent un peu agressées. Et elles, leur but, c'est de produire du sébum pour protéger notre peau. C'est toujours ça qu'il faut avoir en tête. Le sébum de base n'est pas là pour nous embêter, c'est pour nous protéger. Et nous, après, esthétiquement, on a estimé que le côté brillant, c'était pas joli, mais initialement, naturellement, c'est positif pour notre peau. Et sauf quand, bien sûr, voilà, ça prend des proportions inflammatoires comme l'acné. Là, ça n'apporte rien à la peau, a priori. Ensuite, on a tout ce qui est lingette démaquillante. Ça, c'est pas très doux pour la peau, les produits aussi anti-imperfection, ça aussi, voilà, ça a un côté un peu agressif. L'eau micellaire aussi, comme elle est composée de beaucoup de tensioactifs, en fait, l'eau micellaire, c'est pas forcément très doux pour la peau, donc, c'est même pas doux du tout, d'ailleurs, n'ayons pas peur des mots. Donc, ces produits-là, voilà, peuvent un peu stimuler les glandes sébacées qui ensuite vont réagir. Elles vont produire du coup beaucoup de sébum. C'est court-termiste d'utiliser ce type de produit agressif. On est content juste après, la peau semble lisse, voilà, mais les boutons reviennent vite. Donc, il faut privilégier des produits doux pour une peau à imperfection aussi, comme pour toute peau finalement. Et Ouais, tout à fait. autre C'est point, hyper ouais. intéressant. C'est vrai que tu Oui, as bah oui, totalement on a raison. C'est souvent vrai ce qu'on a tendance paradoxe à... Ouais, à vouloir complètement, décaper tout complètement. ça, comme Ouais, on ouais. nettoierait un appartement. On se dirait, allez C'est hop, je exactement sors l'eau de ça. Javel et tout ça. Mais non, notre peau Non, surtout n'a pas pas. les mêmes, ouais, les mêmes besoins et le même fonctionnement. Complètement. Et il Merci y a à un fin de le autre rappeler. point, c'est tout ce qui est produit occlusif. Ça va empêcher les pores d'évacuer le sébum correctement. Je pense notamment au silicone en termes d'ingrédients. Ces ingrédients vont bloquer le sébum et les bactéries risquent du coup de se développer en dessous en mangeant le sébum. On l'a dit tout à l'heure, la bactérie du coup, voilà, je veux pas me retromper dans le terme, mais la bactérie qui a tendance à se développer et qui est liée à l'acné, elle adore manger le sébum gras. Donc, du coup, c'est là qu'il y a inflammation, c'est quand il y a énormément de bactéries. Et donc, les produits qui peuvent être un peu occlusifs, c'est tout ce qui est fond de teint, notamment en termes de maquillage. Il Oui. faudrait privilégier des fonds de teint non comédogènes. Toi, tu as dit que du coup, tu D'accord. t'évitais de te maquiller la peau. Si un jour, Oui. tu veux te lancer, choisis un fond de teint non comédogène pour éviter ce côté occlusif de ta peau. D'accord. Et Le coquelicot. dernier point, c'est les compositions avec des ingrédients sensibilisants, comme les parfums, les alcools. Ça peut aussi Ah un peu oui. dérégler la production de sébum. Donc, ça serait aussi à éviter. C'est pas évident, je sais, ça fait beaucoup de choses à éviter, mais bon, faut au moins avoir un peu conscience de tout ça pour éviter d'utiliser tout simplement un produit qui, en fait, nous crée plus de problèmes, quoi. C'est dommage. C'est clair. Avant-dernière question, donc c'est la dernière question avant la question bonus. Si on va voir un médecin, il donnera le même traitement en fait à tout le monde parce qu'il y a un traitement vraiment unique pour lutter contre l'acné. C'est vrai ou c'est faux, Laurie? Sans hésiter, non, c'est faux. On a eu plein de témoignages en plus là pendant le début de Ouais. l'émission avec plein de tips différents, de la base d'escargot, C'est des peelings, des crèmes, de vrai. l'alimentation. Donc non, non, L'huile essentielle de c'est faux. Oui, titri. le titri. Ouais. Oui, non, non, c'est vrai que. Non, non, je dirais que c'est faux. C'est vrai que c'est faux. Non, Ouais. c'est vrai que c'est En faux. tout cas, on voit, je suis ravie de t'avoir invité sur ce sujet parce que on voit que tu es vraiment calée dans ce domaine de l'acné pour notre quiz ce soir dans beauté imaginée. Qu'en pense Astrée? Pense que c'est vrai. Ah, bah Astrée, elle pense que le médecin, bam, il va donner à tout le monde le même traitement, qu'il y en a un seul pour l'acné. Et non, navré Astrée, c'était faux. Donc, bien joué, Laurie. 10 sur 10, on verra si tu Merci. remportes la question bonus. Ouais, un médecin, il va pouvoir proposer différents niveaux de traitement, des traitements locaux, donc ça, c'est tout ce qui est crème, etc. Des traitements combinés, donc là, ça va associer un traitement local et un médicament, ou encore un traitement hormonal. Donc, tu as évoqué la pilule, on a dit 14% des Ouais. pilules prises le sont pour gérer les problèmes d'acné. Donc, oui, tout à fait, il y a plusieurs solutions. Et par ailleurs, il y a des marques de cosmétiques qui se lancent avec une approche plus globale de traitement de l'acné, parce que on évoquait la fameuse alimentation et du coup, je pense à la marque Skin and Out qui, elle, donc prône une approche complète avec notamment des compléments alimentaires, etc. et un suivi, en fait, des clients. Et cette marque, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle veut mettre en avant le fait que le bouton avant tout est là pour nous alerter d'un souci, d'un dérèglement et qu'on ne devrait pas le diaboliser du coup. Qu'on devrait plutôt se dire, tiens, c'est une alerte, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Est-ce que j'ai été stressée? Est-ce que j'ai mal dormi? Est-ce que je respecte pas assez mes problèmes fondamentaux? Voilà. Donc, Ouais, c'est j'ai sûr. trouvé que c'était une bonne vision plutôt que Ouais, c'est intéressant, clairement. de diaboliser encore une fois le bouton. Astrée? Ah, j'avais mal entendu la question, en fait, c'est faux. Genre, merci Astrée. En tout cas, Astrée Alors, nous suit depuis le départ, donc elle a eu c'est raison ça. de ce qu'on disait au Oui. début. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, question bonus. En fait, c'est pour rebondir sur ce que Louis, mon dernier invité lors du live précédent, dans lequel on parlait de son activité de make-up artiste, il m'avait demandé de faire un point un peu sur les ultrasons utilisés en institut. Et du coup, D'accord. voici l'affirmation que je vous propose. Des machines à fréquence ultrasonore sont utilisées pour leur pouvoir cicatrisant. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que tu vas faire un sans faute, Laurie? On n'a eu qu'un seul sans faute, je crois, dans mes quiz depuis le début. C'était avec Maman Soso sur le thème de la beauté et de la grossesse. Est-ce que tu vas toi aussi faire un sans faute ce soir sur le thème de l'acné? La pression est Ah immense, là là là là, le suspense est c'est à son ça. comble. L'enjeu est terrible. Oui, je dirais que c'est vrai. Tu penses que c'est vrai? Est-ce que Ouais. quelqu'un veut se lancer sur cette dernière question, dernière affirmation? Des machines à fréquence Oui. ultrasonore sont utilisées pour leur pouvoir cicatrisant. Est-ce que selon vous, c'est vrai? Est-ce que vous êtes d'accord avec Laurie? Difficile comme question, hein. Eh oui, pas facile. C'est la question bonus, voilà, pour répondre à l'interrogation de Louis l'autre jour. Et en tout cas, bien joué. C'est un sans faute. Je t'applaudis. Je ne sais pas si on l'entend. Ah, merci. ouais, c'est bien joué parce que c'est pas évident. Là, 11 questions au top, Laurie, ce soir. Il y a Lady Anne qui voulait se lancer. C'est vrai. Ah, bien joué, les Les diènes. diènes, Les diènes elle est aussi, au top aussi. calées, hein, ouais, Ouais, on au a eu. top, ouais. Ouais. Ah ouais, de bonnes propositions à chaque fois. Tout à fait. On utilise du coup les ultrasons pour réduire les cicatrices d'acné. Donc là, je rebondis sur ce que nous demandait Cassim tout à l'heure. En fait, ouais, pour réduire les pores dilatés aussi, ça va aider. D'accord. L'ultrason, du coup, petite explication. L'ultrason, c'est une onde mécanique qui se propage au travers de supports fluides, solides, gazeux ou liquides. C'est une fréquence du coup hyper rapide de son. C'est pour ça qu'on parle d'ultrasons. Et en général, ces machines à ultrasons, elles vont s'utiliser avec un embout qui va, lui, de son côté, décoller les cellules mortes via sa vibration sur la peau. Et pendant ce temps, les ondes des ultrasons pénètrent la peau, créent de la chaleur, ce qui va relancer la circulation sanguine et augmenter la cicatrisation de la peau. Donc, en fait, on peut dire que les ultrasons réveillent un peu les cellules qui permettent la cicatrisation. C'est ça qui peut être intéressant. D'accord. On utilise Je savais pas du tout. ces techniques contre l'acné, soit chez des médecins esthétiques, soit en institut de beauté. D'accord. Et Bah, très voilà, en tout intéressant. cas, si vous voulez en savoir plus sur tous ces sujets, moi, je vous conseille de regarder bon, le site dermatoinfo.fr, très complet. Le podcast Beauty Toaster sur l'acné, j'ai bien aimé aussi. L'émission de l'Observatoire de la Santé ou le blog engagé pour les compositions clean, lafamilletortue.fr. Laurie, ça te fait donc, on l'a dit, une note de 11 sur 11. Bien joué, bien joué. Et Parfait. Lydienne intervient. En tout cas, merci beaucoup les filles pour votre live. Il est très intéressant Ah, merci et j'aime bien en beaucoup. fait. C'est assez dynamique et j'aime Bah, beaucoup. avec plaisir, Lydiane. Merci beaucoup de ta participation. Ça fait trop plaisir quand les auditeurs se lancent aussi sur le quiz et quand vous donnez vos témoignages. Parce qu'on l'a vu ce soir, on a appris tous des choses grâce aux différents témoignages. Donc, c'était trop cool. Astrée, merci Merci aussi, pour le Astrée. live. Avec plaisir. Bah, merci beaucoup Laurie hein, Merci de à toi. m'avoir accompagnée. On arrive à la fin de notre live stéréo beauté imaginée sur l'acné. Toi, quelle affirmation t'a la plus étonnée? Bon, tu t'avais à chaque fois une plutôt bonne idée, mais il y en a une qui t'a particulièrement Je pense la voilà dernière, la question bonus. surprise. Ouais. La question Ah ouais, bonus, ça t'en je avais connaissais jamais pas du entendu tout parler? pourquoi. Bah, Ouais. ça me disait quelque chose, mais je ne savais pas pourquoi. Et du coup, l'explication était hyper intéressante parce que je ne savais pas. Donc, merci. D'accord. Ok, bah avec plaisir. Et est-ce que tu aurais pour mon live de mercredi prochain avec Andrea sur le thème des conservateurs et d'éventuelles alternatives aux conservateurs, est-ce que tu aurais une idée de question, pourquoi pas lui poser à ce sujet, ou une idée de thème par rapport à ce sujet à aborder dans le quiz vrai-faux? Je te prends peut-être un peu de cours, mais tout ce qui est conservateur et alternatives, est-ce que voilà, est-ce que tu as éventuellement une idée de ce dont De on pourrait questions à lui poser. parler. Ouais. Bah peut-être les types de conservateurs. Est-ce qu'il existe des conservateurs seulement chimiques ou naturels? Enfin, les différents Ouais. types de conservateurs. Ouais, c'est ça, toi, que Parce tu que aimerais je connais savoir. pas du tout, Ok. donc pourquoi pas? Ouais. D'accord. J'écouterai la Ok, réponse. bah. En effet, je pense que ça fera tout à fait partie du quiz vrai-faux de la semaine prochaine avec Andrea. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui sur Beauté Imaginée. Merci encore Laurie, hein, c'était sympa Merci, de voir ton merci à toi. témoignage. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés, d'avoir imaginé ma belle invitée et pour votre participation active, hein, c'était cool. Vraiment, merci. N'hésitez pas à faire ça à chaque fois. Ça fait plaisir. C'est dynamique, comme disait Lady N. On a aussi Mich Ben qui a beaucoup participé, Astrée, Léa Carbo, Cassim aussi. J'espère que j'oublie personne, mais ouais, c'était super. Si vous voulez d'ailleurs un soir être mon invité, faites-moi signe. Vous pouvez me contacter sur mon Instagram Beauté Imaginée, sans accent, avec le tiret du 8 entre les deux mots. Et on se retrouve mercredi à 20h45 pour mon prochain live avec ma prochaine invitée Andrea pour parler donc d'alternatives aux conservateurs voilà dans les produits cosmétiques. Donc à bientôt pour un prochain live de stéréo sur Beauté Imaginée. Salut Laurie, merci beaucoup. Salut Alice, merci. Au revoir tout le monde.